Matin chagrin, un vrai temps de novembre. L'été touche à sa fin. Une brume de cendres envahit mon jardin. Habitant du bassin, le petit poisson rouge disparaît, le coquin. Au fond, plus rien ne bouge dans le moindre recoin. Par les feuilles qui tremblent, les moineaux agités s'inquiètent et appréhendent les premières rigueurs de la fin de l'été. Surpris par la saison, l'écureuil en retard des grandes provisions grappille au hasard des baies dans les buissons. Mon cœur désemparé par la fraîcheur qui passe se serre, frigorifié et soupirant, hélas, se met à frissonner. Une colombe blanche m'a dit: envolons-nous, le soleil est ailleurs, là-bas, vers le midi. Et le vieux corbeau gris retrouve sa vigueur.